Vous êtes assez fou pour l'écouter. Pour l'écouter. 89.1. Tout le monde, bienvenue sur les ondes de CIFU 89.1 FM. Si vous étiez déjà en ondes, bien vous savez déjà, vous êtes au 89.1 FM, mais on va être ensemble pour la prochaine heure, c'est-à-dire jusqu'à 15h pour l'émission En piste avec Tania Baudin. Et j'ai déjà, mon Dieu, plusieurs nouvelles à vous annoncer aujourd'hui. Alors c'est un petit peu ce qui va jouer dans l'émission aujourd'hui, mais pour ce qui est de l'émission, comme sur sa formule normale, disons-le comme ça, bien ce que j'aime tout le temps faire, c'est de commencer l'émission en vous donnant un petit peu des indices sur ce qui va être discuté durant la prochaine heure. Et mon Dieu, les nouvelles autour du monde de la course automobile sont sorties quand même en grand cette semaine. Il s'est passé quand même plusieurs choses, même si certaines séries ont déjà terminé leur saison régulière. Et si on se retrouve peut-être un petit peu dans un creux de saison pour certaines autres séries, mais quand même, reste le fait qu'on peut faire une heure d'émission de course automobile, et c'est ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Pour ceux qui ne sont peut-être pas au courant, l'émission En piste avec Tania Baudin est une émission entièrement, mon Dieu, basée sur le monde de la course automobile et aussi sur la musique de style country. Et aujourd'hui, c'est un petit peu ce que je voulais vous annoncer en début d'émission. Comme ça, on va avoir de la musique country, bien évidemment, comme à chaque émission. Ça tombe vraiment bien, en plus, parce que dans les alentours de la ville de Trois-Rivières, là, c'est, semblerait qu'il y a un gros festival ces temps-ci. Là. Ça a l'air qu'il y a des chevaux partout là-bas. Non, je vous niaise, mais pour ceux qui sont pas au courant, c'est le Festival Country, le Festival Western de Saint-Tite. Alors, ça tombe bien. J'espère qu'ils nous écoutent là-bas. Peut-être qu'ils vont être contents des pièces musicales qu'ils vont jouer au courant de la prochaine heure. Mais bon, tout ça pour vous dire que les pièces qu'ils vont jouer aujourd'hui, durant la prochaine heure, vont être entièrement canadienne. Donc, hein, gros travail de recherche pour moi durant la dernière... dans la dernière demi-heure? Ouais, dans la dernière demi-heure, disons ça comme ça. En fait, j'ai fait le tour un petit peu des réseaux sociaux du monde du country canadien et j'ai bien hâte de vous faire découvrir certains artistes que moi-même j'ai découverts et que j'adore. Mon Dieu, je peux pas dire autrement. Je me suis découvert vraiment des nouveaux petits chouchous et j'espère que vous allez les apprécier aussi. Comme à chaque émission, je vais vous présenter un petit peu qui ils sont, que ce soit avant ou après la pièce musicale, mais ne vous inquiétez pas, je vais mettre tous les détails sur la page Facebook de l'émission, c'est-à-dire En piste avec Tania Baudin. Et si jamais il y a quoi que ce soit, bien vous allez être capable, bien évidemment, d'aller rechercher soit l'artiste ou encore la chanson qui a joué durant l'émission. Alors, vous allez peut-être pouvoir vous trouver, vous aussi, à ce moment-là, des petits nouveaux chouchous du côté musical. Ouh, c'est excitant! Ce matin, j'ai animé l'émission qu'on anime à chaque matin avec mon cher collaborateur. Ben, pas collaborateur, non, c'est pas vrai. Mon partner d'émission du matin, c'est-à-dire Mathieu Plante. Et déjà ce matin, on me disait à l'antenne, je recevais des messages, on me disait comme quoi j'avais l'air vraiment speedé. Je suis désolée si durant l'émission aujourd'hui, je vais avoir l'air d'être speedée. On est retourné à l'horaire, à la programmation normale du temps d'automne. Alors, c'est un petit peu... j'ai l'impression que c'est plus de la fatigue accumulée qui s'est pas nécessairement encore estompée un petit peu. Alors, je suis désolée. J'ai bu mon quatrième café ce midi. Je vais faire attention pour pas trop vous étourdir durant la prochaine heure, OK? Je vais travailler fort là-dessus. Donc, c'est un petit peu le plan de la journée, bien évidemment. Comme à chaque semaine, on va faire le retour sur ce qui s'est passé durant la fin de semaine dans le monde de la course automobile. Plus précisément, ici même au Québec. Donc, il s'est pas nécessairement passé beaucoup de choses de ce côté-là, mais vous allez voir, bien évidemment, on va discuter de la série NASCAR Pinties qui était du côté de Saint-Eustache. On va aussi parler du niveau d'athlète, peut-être même un petit peu d'argent. On va parler aussi d'école. Ben oui, d'école dans le monde de la course automobile, ça se fait. On va parler aussi d'un des Québécois qui fait extrêmement parler ces temps-ci, c'est-à-dire Lance Stroll. On a des nouvelles du côté de Lance Stroll quant au développement de sa carrière du côté de la Formule 1, parce que présentement, il est en F3. Mais ça, on va y revenir un petit peu plus tard dans l'émission. On va aussi parler d'une pilote dont on a pas parlé depuis plusieurs... Mon Dieu, j'ai quasiment le goût de le dire depuis l'année dernière, parce que l'an passé, je me souviens, j'avais fait une émission entièrement féminine sur les femmes du monde de la course automobile, et je me souviens que j'en avais discuté avec plusieurs personnes. Je parle entre autres de Simona De Silvestro. Elle a fait un nouveau changement à sa carrière et on va en discuter un petit peu plus tard dans l'émission. On va aussi discuter, comme je le disais, de NASCAR Pinty's Canada. On va aussi parler, mon Dieu, des Jeux olympiques de Rio. Pourquoi? Vous allez voir un petit peu plus tard dans l'émission. Et on va aussi parler de karting. Mon Dieu, c'est-tu pas génial? Pour une émission qui regroupe pas mal tout le monde de la course automobile, quel que soit le domaine ou la discipline dans laquelle vous vous trouvez, eh bien, c'est ici, bien précisément à l'émission En piste avec Tania Baudin, que vous allez probablement retrouver ça. Alors, sans plus tarder, eh bien, c'est le début de l'émission En piste avec Tania Baudin. Bienvenue à tous! Et si vous êtes de ceux qui font partie du... J'ai quasiment le goût de dire du cercle. Du cercle En piste avec Tania Baudin. Vous savez un petit peu comment ça se passe. À chaque début d'émission, je pars ça avec une chanson country et j'ai décidé d'y aller, comme je le disais un petit peu plus tôt, avec des chansons entièrement canadiennes aujourd'hui. Alors, j'ai découvert une pièce musicale sur Spotify ce midi qui s'appelle War Paint de l'artiste Madeleine Merlot. Et on va aller écouter ça au retour. Je vais discuter avec vous de qui est Madeleine Merlot. Alors, on écoute ça dès ce moment. Voilà, je vais essayer de faire la transition sans trop me perdre. C'est parti! It's okay to not be okay. When even the air you breathe is just too much for your lungs to take. And all the words that you don't say. You're driving away. Come on, pick up your phone. Don't have to face it alone. Gonna vibe with you, in for you. Yeah, I want you to know. Wear it all like war paint. I will stand you. till you can feel it. Can you feel it? You can call my name. I'll hold your hand and keep all your secrets safe till you can feel it. Can you see me coming, running for you? Dead of night, can you hear me howling? You're all right, I'll take your fears and wipe your eyes and wear it all like war paint. Wear it all like war paint. Wear it all like war paint. Wear it all like war paint. Wear it all like war paint. Madeleine Merlot avec la pièce War Paint. Qui est-elle? Comme je vous le disais tout juste avant de vous la faire écouter, eh bien c'est une artiste que j'ai découverte sur Spotify ce midi exactement. Et je suis grandement surprise du... je veux pas dire grandement surprise du talent parce que c'est un petit peu méchant. Mais je suis surprise parce que j'aime vraiment beaucoup ça. Et c'est rare qu'on va entendre des chanteuses country canadiennes, à part Shania Twain, là, OK, c'est beau, c'est correct, on la connaît. Mais Madeleine Merlot, en fait, elle a fait ses débuts en 2015. Et c'est vraiment en 2015 qu'elle a commencé à faire parler d'elle beaucoup. Entre autres, elle a gagné Rising Star au CCMAs en 2015. Elle a aussi gagné Female Vocalist of the Year. 2016, ça va super bien jusqu'à présent. Si vous voulez aller faire un tour sur son site internet, je vais mettre tous les détails sur la page Facebook parce qu'elle va être en tournée aussi. Donc, il va y avoir des dates de tournée qui vont sortir. Elle est super active sur les médias sociaux. C'est un petit peu ce que je regardais pendant la pièce musicale justement. Et mon Dieu, je me suis découverte une nouvelle chanteuse préférée, je pense. Oh, j'aime ça. on va déjà commencer à parler de ce qui s'est passé dans le monde de la course automobile durant la fin de semaine. Comme je le disais, il s'est peut-être pas nécessairement passé beaucoup de choses, mais un seul événement a fait que ça a quand même été spectaculaire du côté de Saint-Eustache cette fin de semaine. Pour ceux qui sont pas nécessairement au courant, la série NASCAR Pinties débarquait pour la dernière course québécoise, parce que oui, c'était la dernière épreuve sur le circuit québécois en fin de semaine, donc samedi dernier du côté de Saint-Eustache. Et ça a vraiment été à la hauteur des attentes, je crois, malgré un petit peu de pluie. Ouais, disons-le comme ça. Pour les amateurs, par contre, ça n'a pas nécessairement changé grand-chose parce que je dois dire que je suis restée surprise de voir à quel point les gens sont restés dans les gradins et voulaient vraiment voir les courses, les épreuves qui se déroulaient tout le long de la journée. Et il n'y avait pas nécessairement seulement la série NASCAR Pinties. Il y avait entre autres Lucas Oil, Sportsman, qui nous ont donné tout un show. Mon Dieu, ils étaient vraiment nombreux. Je pense que, si je me souviens bien, ils étaient aux alentours de 20-25 bolide en piste, ça l'a vraiment donné un bon show. Mais du côté de la série NASCAR Pinties, les essais se sont super bien déroulés. On avait peut-être un petit peu de nuages, c'était peut-être un petit peu frais du côté de la météo. Et au moment où on est arrivé pour faire les qualifications, eh bien là, c'est là que Mère Nature a décidé de se gâter un petit peu. Il s'est mis à mouiller. Pas nécessairement beaucoup au début. Par la suite, ça a commencé à tomber un petit peu plus et c'est là que ça a été problématique. On a fait venir les officiels de la série NASCAR avec les pilotes. On a discuté, on a tout simplement pris la décision qu'on allait prendre les résultats de la première séance d'essai du matin et ça allait être la grille pour la course du soir. Donc, nécessairement, ça n'a pas plu à tous les pilotes parce que certains n'avaient pas nécessairement fait leur meilleur temps en séance de pratique, qui était la première séance de la journée. Pour certains, on y allait vraiment juste pour les ajustements parce que c'est comme ça que ça se passe en temps habituel. Et par la suite, à la deuxième séance de pratique, ben là, on va mettre, par exemple, une nouvelle pneumatique. On peut changer, on peut faire des changements, des ajustements au niveau de la voiture. Alors, de ce côté-là, de prendre la première pratique, pour certains, ça a été comme un petit peu plus problématique. Pour d'autres, par contre, ça les avantageait énormément. Je passe entre autres au pilote qui en faisait ses premiers débuts sur Oval avec la série NASCAR Pinties, qui était Simon Dionvien. Lui, vraiment, je pense que ça l'a joué à son avantage. Il se retrouvait à la 9e position pour la grille de départ de la soirée. Alors, pour Simon, c'était vraiment une attente inespérée parce qu'on en a discuté, lui et moi, dans le cadre de RDS. Et il me disait justement que la voiture allait super bien en essai et que malheureusement, c'est vraiment juste la météo qui a fait en sorte qu'il n'a pas pu pouvoir, qu'il n'a pas pu pousser la voiture en qualification parce que ça l'a tout simplement été annulé. Bon. Par la suite, lorsqu'il est venu le moment de faire l'épreuve de 250 tours, oh my God! Ouais, c'est ça que j'ai à dire. Oh my God! Parce que là, on se retrouvait avec des gens qui, à cause de la première séance du matin, étaient quand même bien classés au devant du peloton pour le départ de cette épreuve-là. Tandis que d'autres étaient peut-être un petit peu plus loin dans la grille. Je pense entre autres à Louis-Philippe Dumoulin qui, lui, se retrouvait 14e. Donc, de ce côté-là, c'était pas nécessairement une place où on est habitué de voir un pilote comme Louis-Philippe Dumoulin. Alors, on savait déjà en partant que ça allait brasser dans les premiers tours. Et c'est vraiment ce qui s'est passé, mon Dieu. Un tour a été complété avant d'avoir le premier drapeau jaune. Je pense que le premier tour n'a même pas été fait. Même pas été complété au complet. T'sais, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mais ça a vraiment bougé beaucoup du côté de Saint-Eustache. Ça n'a pas nécessairement été les résultats attendus pour tous. Le Québécois Andrew Ranger a un petit peu glissé au classement à la suite de cette épreuve-là parce qu'on n'avait pas nécessairement... Moi, des gradins, j'avais vraiment l'impression qu'Andrew Ranger était, avait pas de grippe. C'est dur à dire, là, mais quand on parle de course automobile, pour ceux qui connaissent bien ça, il y a des termes qu'on utilise et la grippe, c'est vraiment l'adhérence à la piste au moment où qu'on peut voir la voiture bien collée à la piste et avoir quand même une traction qui est bonne pour le restant de l'épreuve et ça, c'est quand même assez primordial sur un circuit qui est ovale. Donc, de ce côté-là, j'ai comme des gradins, plusieurs gens semblaient dire que Andrew Ranger avait l'air d'avoir de la difficulté au niveau de l'adhérence de la voiture ou au niveau de l'adhérence des pneus. Alors, malheureusement, ça n'a pas été l'événement espéré pour Andrew Ranger parce qu'on a malheureusement perdu des points au classement général. Lui qui était premier... il n'y a pas si longtemps. Et là, c'est vraiment Caden Lapcevic qui a pris le devant pour une bonne... avec une bonne avance avec cette épreuve-là parce qu'il a gagné l'épreuve. Entre autres, moi, si vous vous souvenez bien, oui, voilà, la semaine dernière, je disais justement que Caden Lapcevic aurait probablement de bonnes chances de remporter l'épreuve parce que c'est un pilote qui vient justement de ces circuits ovales-là. C'est un pilote qui connaît ça. On voit quand même que c'est une écurie qu'on appelle plutôt familiale, autre que extrêmement professionnelle, comme on peut en voir dans la série. Mais ce qui est très le fun, c'est de voir un jeune pilote qui est âgé de 16 ans, à sa première année complète dans la série, d'être premier au championnat. Je pense pas qu'il y ait aucun pilote qui soit vraiment fâché que Caden Lapcevic présentement soit le meneur au championnat parce que c'est un pilote qu'il mérite malgré tout le travail que lui et sa famille parce que c'est vraiment j'ai quasiment le goût de dire que toute sa famille fait partie de l'équipe là, c'est vraiment toute la famille qui travaille sur la voiture entre autres son père est chef d'équipe alors de ce côté-là c'est vraiment un travail de famille et on sentait justement après cette épreuve-là que tout le monde était sensiblement content que Caden Lapcevic ait remporté l'épreuve. Qu'il mène le championnat, ça, c'est une autre catégorie de discussion. C'est sûr qu'il y a d'autres pilotes qui aimeraient beaucoup être à sa place. Ça, c'est quand même serré. C'est toujours les mêmes positions au classement général, c'est-à-dire Caden Lapcevic, Andrew Ranger et Kevin Lacroix. Alors, vous allez voir pour la dernière épreuve qui est ce samedi du côté de Kawarta en Ontario. Ça devrait extrêmement bouger. On devrait avoir beaucoup d'actions en piste. Encore une fois, c'est un circuit ovale, donc c'est pas nécessairement des courses qui vont être super longues, mais c'est des courses qui vont amener tellement d'actions en piste que c'est là où que tout va se jouer. Et bien évidemment, comme c'est la dernière manche du championnat, eh bien là, c'est gros. C'est très, très gros. On le sait, c'est pas quelque chose avec laquelle on peut niaiser. Et pour certains, c'est très important aussi. On s'entend que les pilotes qui vont courser en série NASCAR Pinty's, bien souvent, sont des pilotes qui font ça de façon professionnelle. Alors, veux pas, quand on est un athlète professionnel, on veut bien performer. Et c'est un petit peu ce qu'on ressent en fin de saison comme ça, à la toute dernière épreuve. Et j'ai bien hâte de voir comment ça va se passer du côté de Kawarta en fin de semaine. On va faire notre deuxième pause musicale parce que, mon Dieu, je regarde le temps et il est déjà 14h20. Alors, on va aller écouter Jojo Mason avec la pièce « It's all good ». Puis au retour, bien, on va parler, mon Dieu, d'école. Hein? Je vous laisse sur ça, puis on en reparle tout de suite après. Honey, anything goes today. We can go out or stay in and play. Knock a few things off your to-do. Or just hide under covers till noon. Baby, it's all good. We can take the Chevy out for a rest. Head to the lake to catch a couple of fish. Dial up a little something on demand. If you change your mind, we can change the plan. Baby, it's all good. Good, Jojo Mason. Ah, oh, j'adore le ton dans sa voix. Je sais pas si vous êtes comme moi quand vous écoutez de la musique country, mais moi, j'aime quand même, tu sais, les bons classiques, là, du Tim McGraw puis tout ça. Donc, j'ai vraiment l'impression que ce jeune chanteur canadien pourrait faire parler de lui dans quelques temps un petit peu partout mondialement parce que, sachez-le, oui, il est jeune, il est né en 90, c'est-à-dire qu'il a 26 ans. Et comme plusieurs jeunes Canadiens, c'est drôle parce que l'autre jour dans l'émission, j'ai parlé d'une bonne formule pour devenir un bon chanteur country. Je sais pas si vous vous souvenez de ça. C'était pendant la saison estivale d'Assemblage requis, si je me souviens bien. J'avais discuté avec Mathieu de la bonne formule pour devenir un bon chanteur country. Puis je disais que bien souvent, tu devais être un ancien athlète d'un certain sport X pour devenir chanteur country parce que ça leur collait quand même bien à la peau. Et c'est un petit peu ce qui se passe avec Jojo Mason, le chanteur de 26 ans. Et bien, quand il était jeune, était un joueur d'hockey et c'est quelque chose qui avait l'opportunité de faire, c'est-à-dire chanter dans la chambre pour ses coéquipiers et c'est vraiment vers les années 2013 comme j'aime si bien le dire, vers les années 2010, ouais voilà. Donc 2013, eh bien là c'est là qu'on a commencé à le voir un petit peu plus de façon carriériste dans le monde du country et je dois avouer que Ça aussi, ça s'écoute super bien en voiture, hein? Puis on n'est pas totalement encore à la fin de l'été. Fait que j'ai encore l'impression qu'on peut l'écouter le toit baissé si, ou les fenêtres baissées. Si vous êtes du genre à écouter de la musique country, les fenêtres baissées dans votre voiture, ça, c'est génial. J'adore ça. C'était la pièce « It's all good ». Puis après avoir écouté cette pièce-là, c'est vrai, on se sent bien. Alors, tout à l'heure, je vous disais qu'on allait discuter d'école dans l'émission « En piste » avec Tania Baudin. Puis là, j'ai l'impression qu'il y en a peut-être qui se disaient « OK ». Pourquoi on va parler d'école dans une émission qui est censée discuter de courses automobiles? Eh bien, pour la simple et bonne raison que le site internet Canadian Karting News nous a appris quand même de grosses nouvelles cette semaine. Un pilote que certains sont habitués de voir sur les différents circuits, que ce soit canadien, américain ou encore européen, a tout simplement décidé de laisser sa carrière de, je veux pas dire... un kartingeux, parce que ça se dit pas, mais de pilote de karting, voilà, de côté un petit peu plus pour se concentrer sur ses études. Je fais entre autres allusion à Matthew Latifi. C'est Matthew Latifi qui a lancé cette annonce-là cette semaine, un petit peu plus tôt. Je pense que c'est ça l'a sorti lundi exactement. Alors, Matthew Latifi qui, lui, souhaite justement se concentrer un petit peu plus sur ses études, retourner à l'école parce que le monde de la course automobile avait pris quand même beaucoup d'ampleur. On le sait, quand on essaie d'y aller du côté athlète, ça arrive souvent que certains athlètes vont faire l'alternance travail-études, surtout quand on est dans exemple un programme qui va être de sport. Mais lorsqu'on décide de faire de la course automobile, c'est pas nécessairement quelque chose qu'on peut retrouver à notre école secondaire, hein. Si vous êtes du genre à avoir été à une école secondaire qui était quand même sensiblement dirigée vers le sport, comme la mienne quand moi j'y allais, non, c'était pas une option de sport-études, ça. Peut-être que ça devrait exister un jour. Ça me donne des idées. Mais... tout ça pour dire que malheureusement, c'est pas nécessairement un programme dans lequel on peut faire affaire lorsqu'on est au secondaire pour certains pilotes. Et parfois, ça peut devenir quand même assez compliqué de faire justement cette fameuse alternance travail, ben pas travail, mais école, apprentissage et de voyager comme on voyage lorsqu'on décide de faire carrière en course automobile, même si on est au niveau de la discipline du karting. Il faut comprendre, puis ça fait plusieurs fois que je le dis, dans les deux saisons qui ont déjà lieu, que le monde du karting devient une discipline sportive dans le monde de la course automobile qui est extrêmement, comment je pourrais dire, qui est très bien vu. C'est pas parce que vous allez simplement décider de courser en karting que vous allez pas devenir un excellent pilote de course. Moi, je connais des pilotes qui ont déjà essayé de faire justement ce fameux saut-là en formule, en monoplace, dans d'autres séries et qui ont tout simplement décidé de revenir à la formule du karting, à la discipline du karting pour justement cette technique de conduite-là. Et on le sait aussi en Europe, certains pilotes peuvent justement y faire carrière. Alors ça, c'est quelque chose qui se voit beaucoup et Matthew Latifi a tout simplement décidé de tirer sa révérence pour le moment, pour retourner à l'école, mais aussi pour avoir une famille, pas une famille, pardon, mais une vie d'adolescent un petit peu plus normale que ce qu'il connaissait depuis déjà certaines années. Matthew Latifi, son frère, qui est un petit peu plus vieux, qui est Nicolas Latifi, on le voit surtout sur le circuit européen présentement, en GP3, GP2, si je me souviens bien, c'est GP2, je veux pas faire trop d'erreurs, mais si Nicolas Latifi a déjà été nommé comme étant peut-être un des prochains Canadiens aussi à pouvoir faire son entrée dans le monde de la Formule 1. Donc, veut pas, Matthew Latifi connaît cette espèce d'environnement-là qui est de voir son frère peut-être même délaisser un petit peu ses études pour se concentrer sur le sport qui est le monde de la course automobile. Alors, de son côté, on a tout simplement décidé de prendre un temps pour justement vivre un petit peu plus normalement, retourner à l'école, vivre ses expériences qu'il a à vivre. Ça, c'est vraiment quelque chose que lui-même dit après plusieurs discussions avec sa famille, après beaucoup de considérations. Il veut vraiment se focusser à plein temps sur avoir une vie d'adolescent normale et de surtout en faire l'expérience. Parce que lorsqu'on est dans le monde de la course automobile avec quand même des régimes parfois ou un entraînement strict, tout simplement, bien, on n'a pas nécessairement cette fameuse expérience d'adolescence-là comme nos amis l'auraient peut-être. Alors, c'est pas... ça veut pas dire qu'il ne sera pas nécessairement de retour d'ici quelques années, mais pour le moment, on ne verra plus Matthew Latifi sur les circuits de course. Et ça, je dois avouer que c'est une nouvelle qui, oui, est quand même bonne parce qu'on réalise que certains pilotes veulent tout simplement retourner à leur étude et c'est pas quelque chose de mauvais, c'est aucunement. Par contre, Matthew Latifi est un pilote avec beaucoup, beaucoup de talent et j'ai comme l'impression que ça va peut-être, je veux pas dire manquer sur les circuits, mais bien évidemment, c'est une famille que plusieurs connaissaient. On les voyait année après année sur les différents circuits au Canada, aux États-Unis et en Europe. Donc, c'est sûr que c'est un petit deuil à chaque fois de voir un pilote de karting quitté. Mais bon, c'est pour le mieux, c'est pour les études, pour vivre la vie d'adolescent. Alors, on lui souhaite la meilleure des chances de ce côté-là. Et il est déjà 14h32, alors si vous me le permettez, on va faire une brève pause. Et au retour, il y a un autre pilote qui a déjà fait du karting, mais qui, lui, semble très bien faire son chemin jusqu'à présent. On va discuter de Lance Stroll dans quelques instants après la pause. Never loved the way that I loved you. You left a mark like an old tattoo. I don't know what I'm gonna do without you. Now these walls are the only thing that keep the world from caving in. Stop my heart from crumbling without you. Every time I think I've got you gone, I start seeing things I shouldn't see, wanting things I shouldn't be, wrestling with a memory that won't let me go. I've tried and tried to give you up, but once you've had the strong stuff, nothing else will be enough. So I'm not here. Working on Whiskey de Jessica Mitchell. Je vous le disais tout à l'heure, on va discuter d'un des pilotes de course canadien qui est, mon Dieu, vraiment en train de faire bouger le monde de la course automobile, surtout sur la représentation des Canadiens dans le monde de la course automobile. Je parle évidemment de Lance Stroll. Je veux pas nécessairement parler du fait que, oui, il va rentrer en Formule 1 avec l'écurie Williams. Oui, il a obtenu sa licence FIA pour la Formule 1. Oui, mais je veux vraiment parler de la Formule 3, en fait. Parce que pour Lance Stroll, on fait vraiment un pas de plus vers le titre du champion de la série 2016. Et c'est un petit peu ce que le site Pole Position nous offre. Un texte qui est de Eliane Gillin, bien évidemment. Mais le pilote québécois Lance Stroll disputait 3 épreuves au Nürburgring. Là, excusez-moi, là, mais je pense que ça, c'est du néerlandais et mon néerlandais n'est pas tout à fait à point. Mais on avait des épreuves du côté de Nürburgring en fin de semaine. Alors que le championnat international de Formule 3 se produisait sur la version courte du circuit allemand en soutien du DTM. On le sait, il y a d'autres Canadiens qui courent en DTM et on devrait peut-être même, eux aussi, leur donner autant d'exposure. Hein. Je pense que je vais travailler là-dessus. Le week-end de Stroll a vraiment frôlé la perfection pendant que le jeune pilote s'était qualifié en pole position 2 fois sur 3 en fin de semaine et il a également gagné 2 des 3 épreuves avant de se classer 2e de la 3e épreuve. Donc, lors de la première course, Lance Stroll a tout de suite pris une avance déterminante sur le reste du peloton. Nick Cassidy, son coéquipier chez Prema Power Team, était le plus proche de lui, mais il n'a jamais pu rattraper le pilote de développement de l'équipe Williams F1. Donc, finalement, c'est Maximilian Gunter, un autre pilote de Prema et principal rival de Stroll pour le titre au championnat en F3, qui a terminé 2e. Cassidy devant s'est contenté de la 4e place suite à des soucis mécaniques et George Russell, lui, de l'équipe Hi-Tech GP, a complété le podium. Donc, la 2e épreuve a offert vraiment un scénario plutôt similaire pendant que Stroll s'est lancé encore une fois de la pole position pour monter sur la plus haute marche du podium une 2e fois. Mais par contre, la course n'a pas été gagnée d'avance pour Lance pour la 2e épreuve alors que Maximilian Gunter est demeuré en tête pendant une très bonne partie de la course. Il y a eu quelques accrochages au départ et une neutralisation qui sont venus quand même mettre un petit peu plus d'action, comme on pourrait le dire, dans l'épreuve. Nick Cassidy et George Russell étaient parmi les pilotes à devoir abandonner durant cette épreuve-là. Et Stroll et Gunter, eh bien, la bataille a vraiment connu son apogée, on pourrait dire, quasiment, son point fort au 17e tour de l'épreuve, pendant que Lance parvenait à dépasser son rival et son coéquipier, bien évidemment, lors d'un freinage. Alors après ça, c'était un jeu d'enfant pour Stroll, selon Eliane, qui a considérablement éloigné son rival de la bataille et surtout de la première position. Et c'est lui qui a terminé sur la première marche du podium pour la 2e épreuve. Mais finalement, lors de la 3e épreuve, c'est Maximilian Gunter, encore une fois, qui s'était lancé de la pole position et qui a gagné l'épreuve. Donc, le Canadien s'est retrouvé sur la 2e marche du podium, mais il est quand même toujours en tête du championnat avec 68 points d'avance sur son rival qui est Gunter et 148 points d'avance sur Cassidy. Il reste quand même 6 courses réparties sur 2 week-ends à compléter pour connaître le nouveau champion de FIA F3. On sent quand même qu'on pourrait avoir un champion canadien du côté de l'Europe, ça serait vraiment... ça serait pas la première fois parce que l'année dernière, c'est lui qui avait gagné. Mais quand même, on sent que Lance Stroll commence à faire ses fameuses marques dans le monde de la course automobile de ce côté-là et c'est vraiment très, très plaisant à voir. Moi, je lui souhaite la meilleure des chances pour le futur le plus rapproché. On l'a dit, il y a d'autres nouvelles qui sont sorties cette semaine. Entre autres, discutant du fait qu'il avait obtenu sa licence pour pouvoir faire les essais. Donc, de ce côté-là, ça bouge beaucoup pour Lance Stroll. On a hâte de voir si ça va aller un petit peu plus loin, peut-être même un petit peu plus rapidement. Mais si vous voulez ma propre opinion... la dernière fois, je l'avais dit, je pense, la semaine dernière ou il y a 2 semaines, la dernière fois que Lance Stroll avait discuté de ça, de cette fameuse possibilité-là de faire le saut en Formule 1 pendant que le Grand Prix du Canada se déroulait, eh bien, il avait tout simplement dit qu'il se sentait peut-être pas prêt à faire le saut directement en 2016. Donc, et peut-être même pas en 2017. Alors là, je veux, tu sais, de ma propre opinion, si vous voulez mon opinion de journaliste sportive dans le monde de la course automobile, j'ai comme l'impression que je veux pas dire qu'il est pareil, OK? Mais j'ai comme l'impression que peut-être qu'on s'attend à ce que Lance Stroll fasse un petit peu la même chose qu'on espérait qu'Eugénie Bouchard fasse au tennis. La comparaison est peut-être un petit peu différente, voire même pas mal différente. C'est deux sports complètement différents. Mais les attentes envers Lance Stroll du côté de la Formule 1, est-ce qu'elles sont aussi élevées que les attentes médiatiques, par exemple, et des attentes du public que Eugénie Bouchard avait à ce moment-là, lorsqu'on l'a vu dans les plus hauts classements du tennis. J'ai comme l'impression que ça pourrait arriver. On est du genre à faire ça un petit peu au Canada, de vendre la mèche avant quoi que ce soit. C'est vraiment très excitant de voir un Canadien en Formule 1 pour une nouvelle fois, parce que ça fait quand même plusieurs années que ça s'est pas produit. Par contre, tu sais, il faut quand même prendre en considération que de la pression dans le monde de la course automobile, c'est déjà quand même assez présent, et surtout dans le monde de la Formule 1. Donc, j'ai, de ma propre opinion, j'ai comme l'impression que peut-être que quelque chose comme ça pourrait arriver, mais on l'espère pas, on se croise quand même les doigts, mais je lui souhaite la meilleure des chances de ce côté-là. Il y a aussi la Formule E qui fait jaser, ça l'a sorti il y a quelques minutes exactement, tout juste avant l'émission. Alors, on est quasiment dans les primaires, là, du côté de pole position. Cette fois-ci, c'est pas un acrobate qui a fait un salto arrière par-dessus une Formule E en plein mouvement, mais la Formule E sur la glace du Groenland, c'est quelque chose qui s'est passé. Le prometteur de la Formule E, Alejandro Agag, s'est rendu dans l'Arctique au Groenland récemment en compagnie du vice-champion de la série, c'est-à-dire Lucas Disgrassi, pour une expérience quand même hors du commun. Donc, les gens de Pole Position vous invitent à aller visionner une vidéo qui est dans l'article, mais moi aussi, je vais poster l'article sur la page Facebook dans Piste avec Tania Baudin, vous allez pouvoir aller voir ça. Donc, c'est bien évidemment pas la première fois qu'une monoplace roule sur la glace, on l'avait déjà vu, entre autres en Formule 1 avec Sauber et Red Bull, entre autres dans le temps, je pense que c'est Sébastien Vettel qui avait réussi à faire ça. Puis si je me souviens bien, ça avait été tourné ici au Canada. Donc, pour ne citer que ceux-là, on a déjà expérimenté il y a quelques années de la monoplace sur de la glace. Mais pour une Formule E, c'est un très beau coup publicitaire voir que la série s'est offerte avec cette expérience-là, parce que rappelons que l'une des missions de la Formule E, c'est de révolutionner le monde de la course automobile avec une série qui regroupe des monoplaces à motorisation 100% électrique. Donc, pour ceux qui connaissent pas nécessairement la Formule E, c'est sensiblement pareil à la Formule 1, mais complètement électrique. Si vous voulez écouter une des épreuves, je vous dirais peut-être de mettre de la musique avec ça, parce que le bruit, lorsque vous écoutez une épreuve de Formule 1, peut quand même être très agressant. Voilà, c'est dit. Donc, le but de l'exercice est quand même de faire rouler une Formule E sur la calotte glaciaire, qui était de démontrer qu'une voiture électrique est capable de le faire et capable de faire dans des conditions extrêmes aussi. Le plus impressionnant dans tout ça, c'est que la batterie de la Formule E, a survécu au changement de température, donc au changement climatique, au froid extrême. C'était tellement beau et paisible de venir ici, ça c'est ce que dit Lucas Disgrassi, et de voir à quel point la calotte glaciaire est immense et comment l'effet du réchauffement climatique aussi la change. Donc, ça donne une bonne compréhension totale différente des accomplissements que la Formule E peut faire. Et ça a aussi une importance de conduite pour les voitures électriques. Et c'est ce que dit le champion 2015. Donc, la saison 2016-2017 de la Formule E devrait débuter dans le mois d'octobre. C'est quelque chose qu'on va garder un œil dessus, parce que ça va quand même devenir notre Formule 1 durant la saison un petit peu plus morte. Je veux pas dire morte. C'est tellement pas beau comme mot. Est-ce que je suis la seule à trouver que c'est pas super beau comme mot? En tout cas, tout ça pour dire que c'est le fun à voir, mais comme je vous dis, si vous écoutez la Formule E à la télévision, que vous écoutez une épreuve, ça peut être difficile à long terme, parce que c'est vraiment un bruit qui est très, très aigu. Comme c'est électrique, ça fait un bruit justement d'électricité. Et si vous voulez vous donner peut-être une sensation avant toute chose de voir qu'est-ce que c'est, d'aller faire un tour sur YouTube, parce qu'il y a plusieurs plusieurs vidéos qui vont vous démontrer c'est quoi. Mais côté technique de conduite et côté... bataille, côté compétition, c'est tout ça est là. C'est surtout sur des circuits urbains aussi. Donc vous allez pouvoir voir cette fameuse difficulté pour certains pilotes de s'adapter à des pistes qui ne sont pas nécessairement habituelles. Donc entre autres, on va courser bien souvent en plein centre-ville de quelque part, et c'est ce qui va ajouter aussi une espèce de défi de conduite et de technique du côté de chaque pilote, et ça c'est vraiment intéressant à voir. Alors si jamais ça vous intéresse, c'est quelque chose que vous pouvez aller voir, jeter un petit coup d'œil sur Facebook mais YouTube, bien évidemment. Je posterai même un vidéo de Formule E sur la page Facebook d'En Piste avec Tania Baudin pour vous. On va faire une courte pause musicale. Ben oui, je sais. Là, il y en a plusieurs qui doivent dire genre, Tania, tu passes donc bien de musique aujourd'hui? Oui, ben sachez que j'ai des auditeurs qui m'ont demandé de faire jouer peut-être plus de chansons parce que c'est pas nécessairement quelque chose qu'on faisait. On avait des gros segments avant. Je me suis dit, pourquoi pas faire ça léger puisque la saison tire quand même à sa fin dans plusieurs séries. Alors, peut-être un petit peu plus de musique. On va aller écouter So Do I, qui est une pièce de Tim Hicks, lui aussi canadien. Et au retour, eh bien, on va parler de pilote féminin, c'est-à-dire Simona De Silvestro. So Do I, Tim Hicks. Une pièce que j'ai aussi découverte ce midi. Sérieusement, je pense que j'ai découvert beaucoup de nouveaux artistes canadiens au niveau country sur l'heure du midi aujourd'hui. Mais bon, ça reste quand même de la très bonne musique à écouter et on adore ça. Voilà, c'est dit. Je tiens à dire, bien en fait, à remercier mon père qui m'a envoyé un article par rapport à Simona de Silvestro aujourd'hui. Il y a quelques temps, une nouvelle est sortie comme quoi Simona de Silvestro avait décidé de faire le saut en supercar. Donc, pour ceux qui se souviennent, Simona de Silvestro avait quand même coursé en Formule E. C'est quelque chose qu'elle avait fait et c'est quand même complètement différent. Donc, elle a quand même flirté avec la F1. On a fait un contrat de 3 ans avec le championnat supercar en Australie à partir de 2017. C'est quand même un changement de trajectoire de carrière un petit peu bizarre de ce côté-là parce que c'est quand même une pilote qui est habituée à la monoplace. Donc, elle dit elle-même être quand même d'accord avec ça, que c'est un changement plutôt différent. Mais quand elle a coursé en IndyCar, eh bien, Supercar était quand même quelque chose qui était dans ses pensées, là. On y pensait de ce côté-là. Et Bartost, en fait, qui est, j'imagine, l'écurie pour laquelle elle va courser, bien, c'était la première fois où c'est le Bartost 1000. C'était la première fois où elle allait devoir conduire la voiture et elle a vraiment apprécié ça. Elle a aimé le style de conduite, elle a aimé la technique qu'elle devait avoir. Donc, c'est un nouveau défi pour elle. Elle n'a jamais fait de course ou d'événement dans des voitures fermées. On le sait, c'est vraiment du style monoplace dans lequel on était habitué de voir Simona de Silvestro. Alors, pour un pilote, c'est vraiment quelque chose qui est de complètement changeant. Ça demande aussi une nouvelle sorte d'apprentissage et c'est ce qu'elle aime comme défi dans ça. C'est qu'elle va devoir quasiment faire un nouvel apprentissage de sa conduite et c'est complètement différent. L'habileté d'adaptation, c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement familier pour ces pilotes-là qui conduisent tout le temps en monoplace. Donc, pour elle, ça va être quelque chose qu'elle va devoir s'approprier. Et elle dit elle-même qu'en 2013, quand elle avait commencé tout ça en Formule E avec Andretti, bien, on l'a vu au Indy 500, elle est revenue en 2015. Donc, dans le contexte de la monoplace, c'est pas toujours facile, même si on est une femme, même si on est un homme, c'est pas quelque chose qui est tout le temps facile. Et dans ce contexte-là, c'est quand même assez facile de voir pourquoi elle a décidé de faire ce saut-là pour les prochains 3 ans dans le monde de la course qui va être dans des voitures fermées. Donc, évidemment, c'était un rêve pour elle d'aller en Formule 1. Ça ne s'est malheureusement pas produit. Et pour être honnête, par la suite, c'est de se relever par rapport à ça quand on voit que ça ne va pas nécessairement se produire. Elle a essayé d'aller en IndyCar, mais encore une fois, il y a eu beaucoup de déceptions de ce côté-là. Ça dépend beaucoup aussi des sponsors, donc des commanditaires, des partenaires. Et malheureusement, ça n'a pas été un succès pour trouver l'argent qu'il fallait pour conduire pendant toute une saison complète. Et là, elle a eu la chance d'aller par la suite en Formule 1, en FE, ce qui est quand même très, très différent. Ça a été très intéressant, ça a été très énergisant aussi, quelque chose qui lui a appris beaucoup. Mais elle aime le fait qu'elle va devoir maintenant s'habituer à une toute autre opportunité, une toute autre style de conduite, style de voiture, quelque chose qui est peut-être un peu plus robuste aussi. Donc, de ce côté-là, j'ai bien hâte de voir comment elle va faire pour Simona de Silvestro. Je vous parlais aussi un petit peu plus tôt dans l'émission qu'on allait discuter brièvement de karting. Eh bien, les 12 finalistes du programme Mazda Road to Indy. On le sait, le Mazda Road to Indy, c'est un programme qui prend des pilotes de karting et qui les amène petit à petit vers le monde de la monoplace aux États-Unis. Donc, les 12 finalistes sont sortis. Si vous voulez aller faire un tour sur Internet, eh bien, il y a Michael D'Orlando qui est Canadien et Américain. OK? Il est né ici, mais par la suite, il est parti en Floride. Bon, il a 14 ans et il est un des finalistes. Par la suite, il y a de New York Zoe Haddenholm, Il y a aussi Luis Forteza, il y a Austin Garrison, par la suite il y a Dev Gore qui est un pilote qu'on voit quand même assez souvent courser ici au Canada. C'est un pilote américain qui vient de la Floride, mais à cause de Birel et à cause de plusieurs amis aussi, eh bien c'est assez courant qu'on voit Dev Gore venir courser au Canada et prendre part à plusieurs événements. C'est un pilote d'un très grand talent. J'ai hâte de voir comment est-ce que ça va se passer de son côté. On a aussi Ryan McDermid qui a été choisi, qui vient d'ici, du côté de l'Ontario. Il y a Ryan Norberg qui est dans les finalistes. Enzo Prevost, j'en passe là, assez rapidement, là, Mathias Ramirez, Kellen Ruther, aussi d'ici du Canada. Il y a Matt Solarskis et mon Dieu, c'est probablement que j'en oublie parce qu'il y a beaucoup de noms, ils sont 12, mais sachez-le, vous pouvez aller voir sur internet tous les finalistes et dans quelques temps, on devrait voir vraiment la liste des pilotes qui ont été choisis. Alors, on souhaite la meilleure des chances à nos pilotes canadiens. J'espère pour eux que ça va super bien se passer. Et tout à l'heure, je vous disais qu'on allait aussi brièvement parler des Jeux olympiques de Rio. Mais pourquoi? Eh bien, en fait, c'est parce que l'ancien pilote de Formule 1, Alex Zanardi, a été participé aux Jeux olympiques, paralympiques, en fait, de Rio, pardon. Et après deux médaille d'or de Londres, Alex Zanardi a ajouté une nouvelle médaille à son palmarès en remportant pour la deuxième fois l'épreuve contre la montre. Donc, l'ancien pilote de Formule 1 s'est imposé avec un temps de 28:36.81, un peu moins de 3 secondes plus rapide que le deuxième, qui est un Australien. Et si je me souviens bien, c'est un Américain qui a complété le podium, exactement. Donc, 10 athlètes étaient en compétition dans une course disputée sur un parcours de 20 km. Et à mi-distance, eh bien, Alex Zanardi pointait au troisième rang, mais il a quand même réussi à augmenter son effort et bien évidemment sa vitesse sur les 10 derniers kilomètres pour s'imposer. Demain, l'Italien sera de nouveau en lice pour une médaille. Donc, ce matin, mais du côté de l'Europe, peut-être que là, l'épreuve est peut-être là, présentement. Donc, il s'est également imposé il y a 4 ans lors des Jeux de Londres, comme je le disais. L'épreuve aurait certainement une saveur particulière pour Zanardi qui a été accidenté en kart en 2001, soit 15 ans jour pour jour avant la course en ligne de Rio. On lui souhaite lui aussi la meilleure des chances. Et c'est ce qui met fin déjà à l'émission d'aujourd'hui parce que on le sait, peut-être qu'une heure, c'est pas assez, mais c'est ce qui rentre dans l'horaire et dans la programmation. Alors, j'avais aussi à vous dire que tout le long de la saison, dans la programmation automnale, eh bien, En piste avec Tania Baudin va rester en antenne. Wouhou! Donc, on va essayer de s'adapter du mieux qu'on peut vers les nouvelles saisons, les nouvelles séries qui vont sortir. Tout à l'heure, je vous parlais de la Formule E. C'est quelque chose qu'on va suivre. On va aussi suivre les dernières manches de la Formule 3 pour suivre Lance Stroll. Et bien évidemment, eh bien, quand que le temps sera venu, on parlera de... Mon Dieu, on parlera de rallye, on parlera de course sur glace, que voulez-vous? C'est quelque chose qui se fait, puis on va s'adapter, puis il va encore avoir de la musique country. Alors j'espère que tout ça vous rend quand même heureux. Et restez en onde si vous le désirez, parce que le Mathieu Plante Show s'en vient dans quelques instants avec, bien évidemment, Mathieu Plante. C'était Tania Baudin, et on se dit... à la semaine prochaine. Et on va aussi se laisser, bien évidemment, avec une pièce musicale. Pourquoi pas? On va se laisser avec Dallas Smith et la pièce Autograph. Et nous, on se dit à la semaine prochaine. Bet you are a homecoming queen. Real life small town dreams. You probably had them lined up in old blue jeans and drop tailgates at 17, hanging on your every word. But if you'd ever let me, I'd change your autograph. I'd put my name on you, and I'd put a big gold ring in your left hand so everybody knew that I'm the lucky one with heaven on. Sun going down, head to town, one knee on the ground. I'd change your autograph. Mm-hmm.